Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture, où aujourd'hui je reçois un professionnel du livre, puisqu'il est bibliothécaire, Clément. Bonjour Clément. Bonjour Sarah. J'espère que tout va bien. Bah, c'est parfait. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est avec grand plaisir. C'est un plaisir. Je suis content d'être là. Alors Clément, on va faire comme d'habitude dans l'émission. Elle va se décomposer en trois grandes parties. Une première partie qui vous sera très majoritairement consacrée parce qu'on va parler un petit peu de votre parcours, de vos goûts et puis aussi du manga. Bien sûr. En deuxième partie, on aura le lieu insolite de lecture ou alors où aller chercher des livres. Et en troisième partie, on va parler du caprice de la semaine. On commence tout de suite, Clément. Allons-y, avec plaisir. Pouvez-vous nous dire un petit peu déjà qui vous êtes et quel est votre parcours ? Alors, je suis un homme, déjà, pour commencer. Je pense que la voix a trahi un petit peu. Donc, j'ai la quarantaine bien engagée. Je suis bibliothécaire, donc je travaille à la médiathèque de Nancy, où je m'occupe, entre autres, de l'achat des bandes dessinées manga comics avec une collègue, mais aussi des littératures de l'imaginaire, entre autres choses. Donc, des domaines qui, j'ai de la chance, sont pas mal de mes hobbies et de mes centres d'intérêt. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance dans mon travail de pouvoir m'intéresser à ce à quoi je m'intéresse depuis des années. D'accord. Puisque le manga, ça fait un petit peu partie de moi, entre guillemets, enfin la BD au sens large, hein, le manga aussi en particulier, dans la mesure où j'ai commencé très tôt, comme beaucoup de gens de ma génération, je pense que ça étonnera personne, avec le Club Dorothée, qui a mis effectivement beaucoup de gens devant cette culture, enfin cette partie de la culture japonaise, et qui leur a donné envie, à mon avis, d'aller voir un petit peu plus loin. Justement, pour rentrer dans le vif du sujet, on parle beaucoup de l'influence des mangas sur les jeunes, oui. Essentiellement sur les ados. Un peu moins sur les adultes, mais du coup, vous qui êtes quand même assez férus de cette littérature, comment on tombe dedans ? Alors, encore une fois, je suis un vieux monsieur, donc je suis tombé dedans quand j'avais une dizaine d'années. D'accord. Je suis venu au travers des dessins animés, au travers du Club Dorothée, bien évidemment. Il faut savoir que c'est un schéma qui est propre à ceux de ma génération, de quelques générations avant et quelques générations après, mais qui se répète un petit peu aujourd'hui, puisque beaucoup de jeunes viennent au manga au travers des dessins animés, qu'ils peuvent voir sur les plateformes de diffusion ou en streaming, par exemple, ce qui marche beaucoup. On vient au manga parce que c'est quelque chose qui fait partie de la culture populaire, de la culture geek, de la culture de masse, hein, c'est trois choses qui sont assez proches les unes des autres. Mais effectivement, on y vient parce que on y retrouve des choses qui nous parlent. Le manga, c'est quelque chose de très très vaste, c'est-à-dire que ça s'adresse à énormément de différents publics. C'est un secteur très... comment dire ça ? Qui va toucher énormément de sujets, mais aussi différents types de populations, différents types d'âges. Le manga, peut-être plus que la bande dessinée ou le comics, pour citer des genres aussi distincts, mais assez proches de bande dessinée, c'est s'adresser à des groupes particuliers de population. Donc chacun peut y trouver ce qui l'intéresse, que ce soit pour le coup au travers des... pour les jeunes garçons, on parle du shonen, pour les jeunes filles, on parle du shoujo, pour les jeunes adultes, on parle du seinen, etc. etc. Okay. Alors, c'est quand même hyper précis. C'est très précis. Quand on n'est pas dedans, non, effectivement. C'est un peu étranger. Après, c'est un peu étranger, mais ça donne l'impression que tout est en forme de tiroir et qu'on va tirer seulement le tiroir qui nous intéresse. Mais en fait, c'est des passerelles. C'est-à-dire que souvent, quelqu'un qui va aimer le shoujo peut aimer le manga pour garçons, le shonen, ou le seinen. C'est pas trop un problème. Mm-hmm. Après, le seinen, pour reciter l'exemple, c'est un sujet qui s'adresse aux jeunes adultes et aux grands adolescents. C'est plus violent, souvent. D'accord. Donc, on le destine moins aux plus jeunes. Mais en fait, comme chacun peut trouver chaussure à son pied d'une certaine manière, sur des sujets aussi variés que, je sais pas, le sport, le théâtre, la cuisine, le vin. Hein, y a un manga qui existe pour les adultes un peu plus, qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, par exemple. D'accord. Qui a été souvent utilisé par les bibliothécaires ou les libraires, en tout cas les spécialistes de la vente de manga, pour mettre le pied à l'étrier à certaines personnes qui étaient réticentes, puisqu'on y parle d'œnologie au travers d'une enquête sur la recherche de vin ultime, on va dire, en synthétisant, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà, chacun peut trouver chaussure à son pied dans le manga avec des sujets extrêmement variés. Il y a aussi quelque chose qui est très fort dans le manga et qui intéresse peut-être plus facilement les jeunes, c'est sa facilité de lecture et de compréhension. Le manga est peut-être encore plus que la bande dessinée quelque chose de très visuel au travers de son, son découpage. La bande dessinée, c'est l'art de la séquence. Et le manga a su capter une vivacité de narration au travers de l'image qui est assez impressionnante. Quand on lit un manga, moi, ce n'est pas ma lecture préférée. Je suis amenée à regarder des mangas et c'est vrai que ça se lit en... Quand on est vraiment dans une histoire qui nous plaît en 20 minutes, c'est... Oui, oui, ça peut aller très, très vite. Pourtant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dense pour autant en termes d'histoire. Au contraire, mais ça va quand même très, très vite. Ça va très, très vite. C'est quand même effectivement très visuel. C'est très visuel. Et c'est peut-être ce qui intéresse aussi peut-être plus facilement les jeunes générations. Je ne veux pas faire de poncif, mais on a souvent tendance à penser que les jeunes aiment ce qui va vite. Oui. Les choses qui vont un peu vite, qui se comprennent facilement. Et je ne voudrais pas donner pour autant l'impression, encore une fois, que le manga, c'est quelque chose de simple. Il y a une complexité qui est assez grande dans le manga. On va faire une petite coupure musicale avec BTS. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade, stunner, yeah, all widow to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. When I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie. It's a sidestep right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause God can see it. Sidestep right left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter, pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm what your heart into too. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie line. Sidestep right left to my beat. I'm the nice guy, got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the players get moving when the bass low. Got an army right behind us when we say so. Let's go. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture avec Clément qui nous parle du manga exclusivement. Nous allons continuer cette petite interview. Troisième question, Clément. Oui. Donc, votre métier de bibliothécaire vous fait rencontrer des enfants, des ados, mais aussi parfois des parents qui sont inquiets parce que leurs enfants en bibliothèque prennent quasiment que du manga ou de la BD. Mmh. Et quelquefois, on peut entendre des parents qui disent « Mais prends des romans !» Comment faire pour expliquer à ses parents, parfois inquiets, que le manga ou la BD, c'est aussi de la lecture ? Alors, on essaye de faire de la médiation, vous l'avez dit, hein, le manga, c'est de la lecture, tout simplement. On commence généralement par ça. Après, effectivement, c'est pas toujours évident de faire passer la chose, parce que chaque génération a ses codes culturels. Si on a grandi en ne lisant qu'un seul type de BD, je prends un exemple, un Tintin, un Blake et Mortimer, ce sera pareil par rapport au manga. c'est quelque chose que l'on voit de très loin, qu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, on a tendance à se méfier d'une certaine manière, à être un petit peu inquiet. Ce qu'il faut essayer de dire à ses parents qui sont inquiets, alors moi je travaille essentiellement avec des adultes plus qu'avec des enfants. Pour autant, quand j'ai des adultes qui viennent emprunter pour leurs enfants ou leurs enfants qui viennent emprunter dans notre espace adulte à certains mangas, j'essaye de leur expliquer que le manga d'office, ce n'est pas pour les enfants. Il y a aussi quelque chose du terme de la pédagogie là-dedans. C'est-à-dire qu'ils peuvent emprunter des mangas, mais tout n'est pas destiné aux enfants. Ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Donc on leur fait comprendre qu'au sein de cet univers très, très, très, très, très vaste, il y a des choses qui vont être dédiées aux enfants et aussi aux adultes. C'est un premier moyen de leur faire comprendre que ce n'est pas quelque chose de moins bien que le reste des littératures, puisqu'il y a des choses qui peuvent s'adresser à eux. Au-delà de ça, il faut essayer de leur faire comprendre que c'est aussi quelque chose de générationnel, de sociabilisant, le manga. C'est-à-dire qu'un enfant à qui les parents vont dire « Non, tu lis pas ça, c'est pas intéressant », il va se retrouver un petit peu isolé au milieu de ses copains ou de ses copines. Et ça fait partie de leur propre culture aussi. Il faut pas... s'approprier une culture au travers du manga, c'est quelque chose d'important, quel que soit son âge. Il faut essayer de faire comprendre aux parents que, déjà, c'est de la lecture, comme on le disait tout à l'heure, et qu'en plus, effectivement, après, peut-être qu'il va aller lire d'autres choses. Je ne dis pas que c'est mieux, mais peut-être qu'il va ouvrir ses horizons sur d'autres choses, d'autres types de bandes dessinées, d'autres types de lectures. C'est un premier pas, et c'est pas nécessaire d'aller plus loin, mais c'est un premier pas vers la lecture. Et ça reste de la lecture, c'est ça l'important. Parce que c'est vrai qu'on entend, alors il y a les enfants petits, hein, donc c'est des livres cartonnés, tout ça, avec des images. Ensuite, ils arrivent en primaire, alors ils commencent à lire, mais le problème, c'est qu'entre le fossé de la maternelle et le CP, les images disparaissent, il y a de plus en plus de textes, et je dirais presque dans l'imaginaire collectif des parents, c'est bien de lire du texte, même s'il n'y a pas beaucoup d'images. Et on l'entend, ça, des fois, mais il n'y a rien à lire. Et en fait, si, il y a tout à découvrir. Il y a énormément à lire. Hein. Mais ça, c'est parce qu'on réfléchit sous forme de hiérarchisation culturelle. Hein. Il y a des cultures dites légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Une fois qu'on commence à mettre le nez dedans, cette légitimité, elle disparaît de toute façon. Après, nous, là, je parle avec ma casquette professionnelle de minutes, nous, on a ce devoir, selon moi, en tout cas, parce que j'aime bien les mangas, on a ce devoir de faire comprendre que la culture légitime, elle peut être... C'est une question de point de vue, souvent. Pour certains parents de certaines générations, quand moi j'étais jeune, par exemple, la culture légitime, c'était les grands classiques. C'est plus forcément ça, aujourd'hui, la culture légitime. Donc ça évolue avec l'évolution de la société, les évolutions culturelles. Donc on peut essayer de leur faire comprendre que ce qu'eux ne trouvent pas légitime, ça le sera sûrement dans quelques générations. Il faut essayer de faire prendre du recul à ses parents. Donc c'est vraiment beaucoup de pédagogie auprès des parents. Auprès des parents. Oh, les enfants sont conquis, hein, généralement, il n'y a pas de problème. Marche plutôt bien. Oui, il y a un travail de médiation et de pédagogie pour essayer de faire comprendre que d'une part, c'est de la lecture, que d'autre part, c'est pas un tout indivisible et uniforme, le manga, et qu'il y a énormément à y trouver. D'accord. Et que si l'enfant commence avec le manga de la série actuelle en animé, je sais pas, One Piece, il pourra aller vers d'autres choses aussi après. D'accord. Peut-être plus complexe, plus riche. Voilà. Mais du coup, ça l'ouvre quand même sur la lecture. Bien sûr. Ok. Alors, autre question, Clément. Les mangas sont-ils à la lecture ce que les jeux vidéo sont au loisir de cette nouvelle génération qui arrive? C'est enfants, une très ados. Vaste question. Voilà. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de faire un parallèle parce que c'est vrai que les enfants... Voilà, enfin moi, ayant un ado, je sais que la première chose qu'il va lire, c'est du manga et je le laisse lire le manga parce qu'il lit quand même. Et il y a quand même à côté tout ce truc de jeux vidéo. Ils s'aiment bien, ils sont très vite accrochés. Bien sûr. Je me disais, est-ce que le loisir manga peut-il être en parallèle le jeu vidéo? Oui, en fait, il y a de très grandes passerelles entre les deux. Alors, entre l'animation en elle-même, le manga, le jeu vidéo, il y a énormément de passerelles. Déjà parce que, historiquement, le jeu vidéo a une présence très très forte et une créativité très très forte au Japon, que le jeu vidéo japonais s'est beaucoup inspiré des mangas. Donc, quand on aime les mangas aujourd'hui, quand on est jeune, on a tendance, effectivement, à aimer les jeux vidéo. En plus, ce sont des loisirs aussi générationnels. J'aime bien ce mot, je le dis beaucoup depuis tout à l'heure. Mais... c'est pas nouveau. Je vais reprendre mon exemple pour parler un petit peu des choses qui me concernent. Moi, je suis tombé dedans à peu près à la même époque. Le jeu vidéo s'est développé en Occident, on va dire, dans les années 70. D'accord. Moi, je suis de cette fin de génération. Et je suis arrivé avec la NES à la fin des années 80 dans un univers qui me rapprochait aussi, au travers du jeu vidéo, du manga et de l'animation japonaise. Okay. Donc, Aujourd'hui, il y a une mise en avant et une médiatisation qui est plus importante qu'à mon époque au travers des réseaux sociaux, effectivement des différents réseaux de diffusion, internet, etc. Mais c'est pas nouveau comme phénomène. Et que l'on aime le manga et qu'à côté qu'on aime le jeu vidéo, c'est presque consubstantiel d'une certaine manière. D'accord. Ça va souvent de pair. Ça va ensemble. Ça peut aller ensemble. Après, on n'est pas obligé. Il y a beaucoup de gens qui ne vont lire que du manga et pas jouer au jeu vidéo parce qu'ils ne retrouvent pas dans le jeu vidéo des choses qui les intéressent en termes de loisirs. Mais ce sont deux choses qui sont très très proches et très liées. Après, on n'est pas obligé d'aimer le jeu vidéo qu'au travers de ce qu'il peut faire référence au manga et inversement. D'accord. Et le manga parle très bien du jeu vidéo aussi. Et c'est intéressant du coup. Ouais, c'est très très intéressant. Il y a des titres très très riches qui en parlent. Et après, aujourd'hui, les deux gros loisirs, pour schématiser un petit peu des jeunes générations, effectivement, c'est essentiellement le manga actuellement, l'animé et le jeu vidéo. Ouais. Ok, on va faire une coupure musicale. Caprice de lecture sur Fadjet. Nous poursuivons cette émission Caprice de lecture dédiée au manga et à la BD avec Clément. Clément, une dernière question pour vous. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui souhaiterait débuter la lecture de manga ? C'est des conseils qui pourraient varier en fonction de l'âge de la personne. D'accord. Si c'est une personne qui n'a jamais lu de manga, il faut déjà lui expliquer qu'il y a quand même des codes de lecture, ne serait-ce que le sens de lecture qui n'est pas le même que le nôtre en Occident. Ça se capte assez vite. Hein. Je fais partie de ces gens qui ont tellement lu de manga qu'à un moment donné, se posent même plus la question et ont même tendance à ouvrir les bouquins à la fin. Ça devient une évidence. Okay. Il y a cette première barrière, entre guillemets, à prendre. Il y a souvent aussi, pour des gens qui sont plus âgés, qui n'ont connu que la BD en couleur, la barrière des fois du noir et blanc. Ouais. Ça peut paraître bizarre quand on aime la bande dessinée au sens très vaste du terme, mais des fois ça rebute les gens. On ne peut pas y faire grand-chose, hein, si ce n'est de dire de persévérer. Je parlais de la rapidité de la lecture, il y a à parler d'effectivement ce code de lecture qui est très très visuel. Je le disais aussi, la BD c'est un art séquentiel, c'est qu'une question d'habitude, on va dire, de lecture. D'accord. Mais c'est sûr que si on passe d'un Tintin ou un Blake et Mortimer, pour citer des grands classiques, à du manga, le gouffre est très très grand. Pour autant, moi ce que j'essaye de faire généralement, c'est que ce soit dans mon entourage proche ou dans ma profession, c'est d'essayer de cibler les goûts des personnes, c'est-à-dire de leur demander ce qui les intéresse, les sujets de société qui les intéressent par exemple, ou les sujets de genre, est-ce qu'ils aiment la science-fiction, est-ce qu'ils aiment la fantasy, est-ce qu'ils aiment le policier, est-ce qu'ils aiment le fantastique, etc. ou est-ce qu'ils préfèrent l'historique, hein, y a vraiment tout à disposition. Okay. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à cibler quelque chose qui va essayer de parler à la personne, parce que si on veut de la fantasy, on peut en trouver pour des personnes, je sais pas moi, qui ont 40-50 ans, mais aussi pour des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Okay. Donc on va essayer de cibler les goûts de la personne pour lui donner envie de lire. Je parlais tout à l'heure de l'exemple des gouttes de Dieu. Ça a été un moyen à une époque de faire lire du manga à des personnes, on va dire, assez âgées, puisque ça parlait d'œnologie, ça parle d'œnologie en France, de vin français, de vin italien, etc. Mm-hmm. Et c'était facile de faire des passerelles avec des gens qui pouvaient s'intéresser à cette culture de la cuisine, du vin, etc. Okay, donc vraiment... est-ce qu'on pourrait imaginer quel serait le manga, miroir, par exemple, je sais pas, de Franck Tilliez? Là, j'ai pas forcément. Pas... Oui, voilà, bah... un thriller un petit peu glauque comme ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un manga En fait, j'en ai un qui est génial. C'est un manga d'un auteur qui est extraordinaire, qui est très reconnu pour le coup en France aussi, d'un véritable auteur. C'est Urasawa en fait, qui a écrit beaucoup d'œuvres. Et il y en a une qui a eu un grand succès à un moment donné en France, c'est Monsters. Alors c'est une saga en plusieurs volumes qui a été rééditée en gros volume en intégrale, qui est très intéressante. Je crois que c'est une dizaine de volumes et la série est finie. Mais on est dans un thriller psychologique avec une ambiance parfois assez malsaine, qui développe beaucoup le caractère de ces personnages avec un dessin pour le coup... je vais mettre des guillemets à ce que je vais dire, mais peut-être moins stéréotypé, c'est-à-dire moins dans cette idée qu'on peut se faire du dessin à la japonaise, qui emprunte d'une certaine manière un petit peu aussi à ce trait réaliste qu'on peut trouver dans certaines BD européennes. D'accord, nous change un peu, parce qu'il y a souvent des personnages, les yeux très ronds, les cheveux un peu en brosse. On est moins dans des excès, entre guillemets, qu'on peut trouver comme ça, avec des looks complètement fous. On est dans un style, dans une veine beaucoup plus réaliste, qui a tendance effectivement à parler à des gens qui sont peu habitués à ces univers complètement imaginés, imaginaires et fantasmés. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus concret, de très froid à certains moments. D'accord. Et Urasawa s'est fait une spécialité de ce genre de manga. Il en a écrit un, par exemple, si vous aimez la science-fiction et que vous aimez le polar, il faut lire Pluto. Pluto, c'est une super saga en 8 volumes qui reprend d'ailleurs un personnage qui est très connu, c'est Astro. Astro, le petit robot de Osamu Tezuka. Il y a un moment dans l'histoire où il est confronté à d'autres robots. Ce moment est repris et on en fait un thriller de SF psychologique où on réfléchit sur l'humanité. Est-ce que les machines ont une conscience, etc. C'est passionnant, c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai lu jusqu'à présent. Je le conseille très régulièrement. C'est bon à savoir. Voilà. On va faire une petite coupure musicale, à tout de suite. Thank you. caprice de lecture sur Fadjet. Nous nous retrouvons pour cette dernière partie d'émission où Clément va nous faire découvrir un caprice de la semaine, c'est-à-dire une lecture qu'il a appréciée, qu'il a pu lire dernièrement. Clément, c'est à vous. Écoutez, j'ai encore la parole, c'est très gentil. Alors oui, dernièrement, j'ai lu pas mal de choses, mais il y en a un qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Alors c'est un livre de science-fiction. D'accord. D'un auteur français qui s'appelle Romain Lucaso, okay. Qui s'appelle La Nuit du Faune. C'est un livre de SF qui se rapproche un petit peu, pardon pour le jargon, mais de ce qu'on appelle la hard SF, okay. Donc la science-fiction qui va essayer de s'atteler à des choses réalistes au sein de la science-fiction. C'est un bouquin qui est à la fois un voyage initiatique, à la fois une réflexion philosophique, une projection sur l'avenir de l'humanité, une réflexion sur son passé, au travers de la rencontre d'un... Je vais essayer de pas trop spoiler parce que le bouquin est très intéressant, mais on va être aux prises avec un personnage qui gravit une montagne et qui va tomber nez à nez avec ce que lui pense être une divinité, et il vient pour avoir la connaissance et le savoir d'une certaine manière, et elle va lui offrir plus que ça. C'est quelque chose qui va... prendre une dimension tellement cosmique que ça en est vertigineux. Il y a vraiment des moments, les Américains et les Anglo-Saxons disent « sense of wonder », cette espèce d'émerveillement devant ce qui nous est proposé en termes de lecture. C'est un roman dense, riche, puissant, qui propose beaucoup d'axes de réflexion, mais aussi qui propose énormément d'émerveillement. Donc c'est un roman intelligent, brillant, qui a été salué d'ailleurs par la critique. Je ne suis pas très original, parce que je prends quelque chose bien qui construit, est construit, du coup. Extrêmement bien construit, assez court, mais très dense. Voilà. D'accord. Il y a énormément de choses à comprendre, à apprendre, à réfléchir. C'est un bouquin qui est très bien écrit en plus, avec des personnages très attachants. D'accord. Voilà. Eh ben c'est bon à savoir. Moi, je vais présenter le dernier Pierre Lemaître, Le Grand Monde, aux éditions Calmant-Lévy. Donc Pierre Lemaître, un auteur à ne plus présenter, on le connaît par cœur. Il a reçu un prix Goncourt, il a écrit une première trilogie. Il avait été connu en son temps, donc il y a plusieurs années maintenant, il y a 8-10 ans, parce qu'il écrivait des polars et des thrillers un petit peu trash, que moi j'aimais beaucoup, comme par exemple Alex ou Robe de mariée, qui sont des vrais thrillers psychologiques. Là, Pierre Lemaître revient, alors on n'est plus pendant la période de la guerre 14-18 et un peu 39-45, on est juste après cette guerre et on arrive en pleine guerre du Vietnam. C'est la famille Pelletier qui a 3 enfants. Donc, qui sont en possession d'une savonnerie qui explose, hein, c'est des gens très aisés. La savonnerie connaît un succès fou, sauf que chaque enfant a une particularité que je ne dévoilerai pas ici parce que sinon ça n'aurait plus d'attrait. Donc, on a une plume fine, magnifique, c'est Pierre Lemaître. On a un contexte très documenté, la guerre du Vietnam, la situation en France dans les années 45-48, hein, on n'est pas encore tout à fait sorti de la guerre économiquement parlant et socialement. Et puis on a tous les travers de ces enfants qui petit à petit en fait vont venir envahir le roman, envahir on va dire toutes les fragmentations de cette société qui va mal, très très mal. Et puis surtout on a un des enfants qui est surnommé Bouboule, qui lui, contrairement à son surnom, se révèle extrêmement dangereux, je n'en dis pas plus. Vous retrouverez la chronique sur le site capricesdelecture.fr. Je remercie encore Clément d'avoir accepté cette invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Et Sarah, de nous avoir parlé du manga et de la BD. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Caprice de Lecture. Au revoir. Au revoir.